duma palca, no fui se de grome, po puja no taita, no fui se valime, halba nie triki, se mame chare, istame se skacikti, pierdolo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de À l'Ouest très à nouveau. Et aujourd'hui, on va dans le Caucase, en Géorgie. Salut Souris. Salut Miltier et salut tout le monde. Alors, une petite playlist géorgienne, t'as réussi à en faire une deuxième? Bah ouais, écoute, j'aurais pas cru au début, mais en fait, il y a un festival là qui s'est organisé cet été, pas très loin de Tbilissi, je crois. Et bah, ça m'a permis de découvrir des groupes. Alors Ah bah après, ouais. découvrir les groupes et arriver à choper leur musique, c'est une autre histoire, parce que y a pas forcément beaucoup de trucs sur sur Internet, quoi. Mais bon, j'ai quand même réussi à trouver quelques trucs, assez pour nous faire une petite playlist. Puis bah, comme je disais, c'est assez contrasté. Hein. Soit ça gueule beaucoup, soit c'est du cold, un petit peu, ouais. L'art moyen. Déprimant, mais non, c'est de la bonne musique. C'est le principal. Voilà. Et d'ailleurs, on commence avec du post-punk de Tbilissi, la capitale. Ouais, donc du groupe Comlé, qui est donc le titre, c'est Télévisory. Je pense que ça va, on n'a pas trop besoin de traduire celui-là. Hein. Non. C'était Koumlé avec Télévisory. Et maintenant, on va écouter Mela Tonini. Ouais, Ah donc, alors pour trouver la musique de ce groupe, je t'explique même pas parce que du coup tu trouves que des trucs de pub sur la mélatonine et tout comme ça. C'était l'enfer pour arriver à trouver leur zik en fait quoi. Mais j'ai fini par réussir. Incroyable mais vrai. Et Bah toi, Et tu vas donc, être recherché par la police géorgienne parce que quand t'as mélatonie, Géorgie, bung. ouais, bon. Je crois que j'ai réussi, au final, j'ai réussi à tomber dessus sur la musique et pas sur les trucs de mélatonine à la con ou je sais pas quoi, là, en utilisant l'alphabet géorgien. Voilà. Ah, ouais, bien vu. Ouais, bon, même comme ça, hein, c'était, ça, c'est resté pas évident, mais j'ai réussi. Voilà. Bien oui, bien joué. Et donc, ouais, le morceau qu'on va passer, c'est alors, apparemment, la prononciation, c'est Amicaria. Et qui voudrait dire je ne suis pas heureux, donc comme on disait, hein, c'est du cold pas très joyeux. Voilà. C'est le cas de le dire. C'était Amicaria du groupe Melatonini. On va aller dans la ville de Kutaisi. Ouais, avec un groupe qui s'appelle Stress 4621. J'avoue que je ne sais pas dire les chiffres en géorgien, je m'excuse. Et le titre, c'est Chroma, je ne sais pas trop. Il y a un A avec un A bizarre après, donc voilà. Espèce barré un peu, non? Ouais. Je sais, ouais. Non, mais on va... Je ne sais pas trop quoi Ah. dire. C'était Stress 4021 avec Chroma. Voilà. Et On va on dire va ça. retourner dans la capitale Tbilissi avec Amorali. Oh, ça va, ça, on comprend. Oui, ouais. du coup, ça, c'est un groupe qui a été formé en 95 et qui est encore actif aujourd'hui sous le nom de Tserili. Et alors, le titre que j'ai choisi, il y a un titre quand même assez rigolo. En tout cas, la traduction que ça m'a donnée, c'est plutôt drôle. Alors, c'est Mola Parake Bouzébi, et apparemment, ça voudrait dire les mouches qui parlent. Ah, ça va rentrer dans le club des non-fermiers. N'est-ce pas? voilà pour Amorali avec Molap, Araké, Bouzébi, les mouches qui parlent. On se demande bien ce qu'elles disent. Ça m'a fait penser à... au sketch des Inconnus, la mouche qui pète. Non, Ah, désolé. il n'y a pas de souci. Et on va continuer notre émission du côté de Tbilissi avec Got a Knife. Ouais, un groupe de hardcore. Alors, c'est des expatriés russes en fait, Ah. qui sont maintenant en Géorgie. Ouais. Et d'ailleurs, il me semble, oui, il y a des anciens membres de 210 dedans et de What We Feel. C'est un peu de la triche. Oui, mais bon, maintenant, disent eux-mêmes hein, qu'ils sont de Tbilissi, donc je pense qu'ils ont dû partir de Russie pareil par rapport aux Ouais. prises de position. Contre la guerre, quoi. Donc oui, écoute, c'est à moitié de la triche. Après, je pense que maintenant, il y a tellement une communauté russe énorme là en Géorgie qui s'est barrée, que, à mon Ouais. avis, niveau musical, il va y avoir une énorme scène d'expatriés. Ouais. Ils Ouais. sont pas prêts. À voir ce que ça va donner dans les prochains temps, quoi. Mais voilà. Et donc, ouais, le titre, c'est Wake Up. Mais c'est un titre qui est sorti très récemment, quoi. C'était Got a Knife avec Wake Up. Et ah, un groupe qui n'est pas inconnu, puisqu'on l'avait passé à la première émission sur la Géorgie, Mindada Vrikri. C'est ça. On a fait déjà passer quelques morceaux de ce groupe. Alors, a priori, le nom du groupe, ça veut dire je veux creuser. Donc, on en reste avec les trucs Ok. un petit peu spéciaux. Alors, par contre, j'ai pas du tout trouvé de traduction pour les titres Ouais. des deux chansons parce que bah, ils ont été mis en fait avec une espèce de traduction phonétique donc dans notre alphabet et ce qui fait que ça donne rien quand tu essayes de traduire ça. Ah bah oui, forcément, il comprend pas. Voilà. Donc on a juste la prononciation, on ne sait pas ce que ça veut dire. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc le premier titre c'est Verazdros et le deuxième Lamazi Roka. Oh putain, MTVR. Hein, donc je ne sais pas comment. Mtvrali, voilà. C'était Mida Vrekri avec Vera Zdros et Lamazi Roka Enfrali. J'espère qu'après ça, on n'aura pas de problème avec le fantôme de Beria ou je ne sais qui. Non, c'est Yoff, pardon. Ah là là. Et on va passer ensuite, on va retourner à Kutaisi avec Skaz. Ouais, un groupe de 2001, je sais pas s'il joue encore, mais il me semble. Et du coup, le titre, bah là, ça va être facile, c'est en anglais, c'est Pleasure. C'était Skaz avec Pleasure et on va finir en anglais avec Funeral Mess. Ouais, un groupe de Tbilissi qui gueule beaucoup et le titre Lab Rats, les rats de laboratoire. Et c'est ainsi que se termine cette émission. Merci Souris pour la préparation et la co-animation. Et bah, comme d'habitude, c'est un plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Restez à l'écoute car la voix de la OI ne s'éteint pas. Salut! Salut!